acteurs politiques. Afin de garantir un bon déroulement du processus électoral, le respect de la diversité de nos opinions politiques est primordial. Ceci est un message du Centre d'alerte et de prévention des conflits CENAP dans son programme Tuganire Tkubake. Mireille Kanyang. François Kimana sur la mise en onde. Nous sommes mardi 19 mai. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Deux personnes sont mortes hier soir en commune Bgambarangwe de la province Kirundo, confirmé l'administrateur communal. Et à J-1 du triple scrutin, l'on vous parle des préparatifs dans les provinces Kirundo et Ruyigi. Dans cette édition, l'on vous parle également des sanctions contre les infractions électorales commises surtout le jour du vote. Et dans cette édition, l'on vous parlera également de la chronique santé qui concernera l'asthme, qui est une maladie respiratoire au niveau des bronches. Rebonjour et bienvenue. Rebonjour, page politique pour débuter cette édition à J-1 du triple scrutin de ce mercredi 20 mai. Les préparatifs continuent. En province Kirundo, le président de la commission électorale provinciale indépendante signale que le matériel est suffisant et que les véhicules sont en train d'acheminer ce matériel des bureaux communaux de la commission vers les centres de vote. Selon le président de l'ACPI Kirundo, l'heure est au remplacement de 63 mandataires fidèles du parti CNL, la soixantaine étant en prison dans différents cachots des communes de cette province. Et au total, plus de 345 000 électeurs inscrits sont attendus dans cette province. Le point avec Abraham Safari. Dans toute la province de Kirundo, l'effectif total des électeurs s'élève à 345 730 pour les élections de ce mercredi. Le président de la commission électorale provinciale indépendante en Kirundo signale que jusqu'à ce mardi, les préparatifs se déroulaient normalement. Le matériel nécessaire était en train d'être embarqué dans des véhicules depuis la matinée à partir des bureaux des communes de la commission électorale indépendante vers les centres de vote. Lorsque nous sommes arrivés au bureau provincial de la commission électorale indépendante, le président de cette commission était en train de signer les lettres d'accréditation des mandataires remplaçant ceux du parti CNL incarcéré. Le président de ce parti qui était sur place nous a fait savoir que 63, y compris les mandataires et les membres qui figurent sur les listes des conseils communaux, sont incarcérés dans des cachots des différentes communes de la province de Kirundo. La plupart d'entre eux ont été appréhendés durant cette campagne, accusés d'agression à l'endroit des militants du parti CNDD-FDD. Du côté de la population, certains nous ont fait savoir qu'ils vont se lever très tôt pour élire un mot d'ordre qui aurait été donné par leurs représentants, du moins compte tenu du même langage. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Et de la province Kirundo, nord du Burundi, rendons-nous en province Ruyigi, c'est à l'est du Burundi où les habitants de la ville de Ruyigi disent être prêts pour le vote de ce mercredi. Et à la commission électorale provinciale indépendante Ruyigi, l'ont fait savoir que les préparatifs vont bon train. Le point avec Jean-Claude Jimiliman. La plupart des personnes en âge de voter qui se sont exprimées au micro de la radio Isanganiro dans la ville de Ruyigi disent qu'ils iront voter très tôt le matin pour qu'ils puissent s'adonner sans obstacle à d'autres activités de leur choix. Parmi eux, nombreux disent qu'ils savent pour qui et comment ils voteront. Ils font savoir qu'ils chercheront sur le bulletin de vote le numéro d'ordre et le symbole de ceux pour qui ils désirent voter, conformément à ce qu'on leur a enseigné. Néanmoins, il y a d'autres qui disent qu'au niveau des bureaux de vote, on leur montrera comment voter en cas de confusion. Ce mardi, la commission électorale provinciale indépendante à Ruyigi est en train d'envoyer des véhicules dans différentes communes pour le transport de matériel électoral jusqu'au bureau de vote. Melkiad Ndikumana, président de la CPI Ruyigi qui le précise, fait savoir que les préparatifs vont bon train. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Claude Nshimirimana depuis Ruyigi. Et le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique appelle tous les citoyens en âge de voter de venir le plus tôt possible exprimer leur volonté pour que le comptage des voix puisse commencer tôt dans une réunion d'évaluation de la campagne électorale. Pascal Warandaguié a mis en garde les politiciens qui ont tendance à continuer les campagnes en secret, selon que des sanctions sont prévues. On l'écoute. Hari abashaka kubandanya biyamamaza mayeri mu gukoresha uburyo busa n'urudandazwa. Ceux qui veulent continuer la campagne en secret en utilisant des moyens commerciaux pour que le candidat soit élevé, cela est défendu. Nous continuons nos travaux de tous les jours pendant cette période. Souvenez-vous que c'est strictement interdit de continuer les propagandes dans nos bureaux, dans les heures de travail, ou en utilisant des signes de partis politiques, surtout dans les milieux scolaires. Le jour de vote, nous vous demandons de sensibiliser vos membres, de venir trop tôt exprimer leur volonté. Nous ne souhaitons pas prolonger les heures de vote, vu que le comptage de 3 scrutins différents va prendre beaucoup de temps. Pascal Warandaguié, ministre burundais de l'Intérieur et de la Formation patriotique, traduit en français par Fidèle d'Antoine Nsabimana. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h02 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par cette page sécurité. Deux personnes sont mortes ce lundi soir à la colline Budahunga de la commune Bgambarangwe en province Kirundo. Une information confirmée par la police et l'autorité communale, selon Febroni Ningabiye, administrateur, et parle d'un dérangé mental qui a tué une personne en la poignardant. Ce malade mental a par la suite été tué par justice populaire, ajoutent ses autorités. Celle-ci rappelle que la justice populaire constitue une infraction. Et plusieurs personnes de nationalité congolaise ont quitté le territoire burundais vers la République démocratique du Congo l'avant-midi de ce mardi. Ces personnes disent qu'elles étaient bloquées au Burundi suite à la fermeture des frontières pour cause de la pandémie du COVID-19 et qu'ils étaient dans l'incapacité de continuer à vivre de manière décente. Le secrétaire exécutif de la communauté congolaise au Burundi, Ngoyi Ntambwe Boniface, dit que la raison du départ massif de ces Congolais n'a rien à voir avec la situation politique au Burundi et le processus électoral en cours, mais qui fait suite à l'appel du gouverneur du Sud Kivu à l'endroit des Congolais du Burundi qui le veulent de pouvoir entrer et qu'un bon accueil leur sera réservé. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé. Dans quelques instants, on reviendra sur d'autres informations. L'asthme est une maladie respiratoire au niveau des bronches. Docteur François Ndikumwe Nayo, pneumologue, précise qu'en cas de crise, le patient manifeste certains symptômes, dont une difficulté à respirer, une respiration sifflante. Ce spécialiste précise que l'asthme est une maladie chronique non transmissible, mais qui peut toutefois être curable une fois bien traitée à temps. Le point avec Ornella Mucho. L'asthme est une maladie caractérisée par une inflammation des voies respiratoires. Docteur François Ndikumwe Nayo, pneumologue, fait savoir qu'en cas de crise, plusieurs symptômes s'observent, dont un sifflement respiratoire, un essoufflement à l'effort ou une toux qui ne passe pas. C'est une maladie de cause allergique, c'est-à-dire que les allergènes se trouvent dans l'air que nous respirons. Cet air contenant des allergènes, une fois arrivé au niveau du poumon, pour quelqu'un qui est disposé à être asthmatique, qui est asthmatique, et les bronches vont avoir un comportement différent par rapport au sujet non disposé ou non asthmatique. C'est-à-dire chez l'asthmatique, dès que vous inhalez, qu'il inhale ces allergènes qui se trouvent dans notre environnement, et il va y avoir une réaction inflammatoire localisée au niveau des bronches et qui va s'accompagner par une production, hyperproduction du mucus, une formation d'œdème des bronches, de la paroi bronchique et la contraction des muscles lisses constituent à ces branches. L'asthme est généralement une maladie chronique non transmissible. Docteur Ndikumwenayo ajoute qu'elle touche toutes les tranches d'âge. Cette maladie existe aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. C'est-à-dire que la maladie peut apparaître à tous les âges. C'est une maladie à caractère chronique. Et quand bien même c'est une maladie chronique, c'est aussi une maladie curable. C'est-à-dire que plus la maladie vous attaque jeune, plus vous avez des chances de guérir définitivement de votre maladie au cours de votre vie. Il y a des études qui ont prouvé que chez les enfants âgés de moins de 12 ans qui souffraient d'asthme, 80% de ces enfants seront guéris de leur asthme à l'âge de 12 ans. Cela aussi se voit aussi chez les jeunes adultes. Il suffit que l'asthme soit correctement soigné et puis ils finissent par ne plus faire des crises. Les médicaments de l'asthme peuvent être pris par voie inhalée ou par voie orale. Le traitement de l'asthme est un traitement plutôt inhalé que avalé ou injecté. Le même médicament inhalé peut être pris par voie pérose ou intraveineuse, mais par ces voies, ce médicament s'accompagne d'effets secondaires. Ces effets secondaires sont évitables et contournables en faisant inhaler au patient les médicaments. Et par cette voie inhalée, le médicament arrive directement au niveau de l'organe malade qui est le poumon et porte ses effets dans l'aménité même après l'inhalation. Alors que par voie pérose, ça va prendre 30 minutes à 1 heure pour que le médicament commence à montrer ses effets. Le traitement de l'asthme existe. On en a, il est vendu localement, je veux dire au Burundi. Ce traitement, il dépend de la situation où le patient se trouve. Il y a un traitement de la crise et il y a un traitement de fond de l'asthme. Cette maladie peut avoir plusieurs complications. Dans notre prochaine chronique santé, ce spécialiste parlera de ces complications et le meilleur moyen de prévention. On est là, mucho revenant sur cette page politique. Seules trois catégories de personnes dont les malades hospitalisés peuvent exercer leur droit de vote par procuration selon la réglementation de la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'explication de Pierre Clavier Kazihi, c'est président de la CENI. Il a dit hier lors d'un point de presse, on l'écoute. Le jour des élections, il y a certaines indications que la CENI voudrait donner par rapport à l'usage des procurations. La CENI a pris un arrêté en ce qui concerne la réglementation du vote par procuration pour les élections générales de 2020. Et là, je peux vous lire in extenso l'article 2 qui détermine, n'est-ce pas, ceux qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration. Il s'agit de trois cas de figure. D'abord, les malades hospitalisés et les femmes en couche. Ensuite, les cas d'empêchement professionnel. Enfin, les cas des personnes vivant avec handicap. Dans les trois cas, le mandant doit donner sa carte d'identité. La carte d'identité accompagnée de la carte d'électeur. Une procuration signée qui atteste qu'effectivement ce mandat a été donné et bien sûr la preuve soit de ce que la personne est malade ou en couche, que la personne est effectivement empêchée du fait de sa fonction ou bien que la personne est handicapée. Ici, au niveau du handicap ou au niveau des maladies, les témoins peuvent être acceptés parce que nous savons très bien que le vote se passe au niveau des collines. Les élections, c'est au niveau des collines. Et au niveau des collines, habituellement, les gens se connaissent très bien. Pierre Clavier Kazihi, c'est président de la CENI. Puisque l'on parle de ce jour de vote, selon le décret présidentiel de ce lundi 18 mai, le président de la République annonce que la journée de ce mercredi, jour des élections du président de la République, des députés et des conseillers communaux, est un jour férié, chômé et payé. Retour sur le code électoral qui fixe des sanctions contre des infractions électorales commises surtout le jour du vote. L'exemple est la prison pouvant aller jusqu'à 3 mois et une amende qui peut aller jusqu'à 400 000 francs burundais pour le vote de plus d'une fois et l'usage de faux documents électoraux. Dans nos précédentes éditions, l'on vous a parlé du comportement des acteurs concernés par les élections le jour du scrutin, comme prévu par le code électoral. Les détails avec Eline Bellenibigira. Outre les sanctions prévues contre les auteurs de vote de plus d'une fois et l'usage de faux documents électoraux, l'article 224 prévoit que la distribution, le jour du scrutin, des documents ayant un caractère de propagande électorale, ainsi que le port de tout signe distinctif d'un parti politique, d'une coalition des partis politiques, d'un candidat, le jour du scrutin, est passible d'une amende allant jusqu'à 400 000 francs burundais. Celui qui exerce par quelque moyen que ce soit une pression sur un ou plusieurs électeurs en vue d'influencer le vote, il est puni d'une servitude pénale de 3 mois à 2 ans, ainsi qu'une amende pouvant aller jusqu'à 800 000 francs burundais ou une de ces deux sanctions. Les auteurs de menaces contre un électeur en lui faisant craindre de perdre son emploi ou exposer à quelques dangers à sa personne et à sa famille, il est passible d'une servitude pénale de 6 mois à 5 ans et une amende allant jusqu'à 4 millions. Une personne rendue coupable de soustrait ou ajoutant ou plusieurs bulletins de vote lors des dépouillements est punie d'une servitude pénale allant jusqu'à 3 ans et une amende allant jusqu'à 800 000 francs burundais. Une servitude pénale pouvant aller jusqu'à 5 ans et une amende qui peut aller jusqu'à 4 millions sont appliquées pour l'entrée dans un bureau de vote avec une arme. Un membre du bureau de vote qui a refusé de consigner les observations émises par le mandataire d'un parti politique, d'une coalition des partis politiques ou d'un candidat indépendant est puni d'une servitude pénale allant jusqu'à 2 ans et une amende pouvant aller jusqu'à 800 000 francs burundais. Un agent de la CENI qui tenterait de manipuler les résultats des élections est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 2 millions de francs burundais. Toutes les infractions électorales sont déférées devant les juridictions ordinaires compétentes suivant la procédure de flagrance selon le code électoral. Linibel Nibigira en page humanitaire, l'assistance en vivres, l'augmentation des tentes, des latrines et de l'eau potable, c'est ce qui constitue l'urgence pour les sinistrés des récentes inondations de Gatumba, habitant actuellement le site de Kigaramango, situé en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Un constat fait ce lundi par le ministre des Finances lors de sa visite dans ce site. Le ministre Domitien Ndihokubwayo en outre précisé que la réduction de la distance pour les écoliers et élèves déplacés, qui est loin de leur résidence, figure parmi les urgences. C'est après que les victimes de ces inondations hébergées dans le site de Kigaramango aient demandé assistance en tente pour celles qui n'en ont pas et l'augmentation du nombre de latrines à cet endroit. Voilà, à 13h14 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais je vous en rappelle les grands titres. Deux personnes sont mortes hier soir en commune Bwambarangwe de la province Kirundo, confirmé la police et l'administrateur communal et à J-1 du triple scrutin. On vous a parlé des préparatifs dans les provinces Kirundo et Ruyigi. Les présidents des commissions électorales provinciales indépendantes parlent de bonne continuation du travail. Et parlant de ce jour du triple scrutin, selon le décret présidentiel de ce lundi 18 mai, le président de la République annonce que la journée de ce mercredi, jour des élections du président de la République et des députés des conseils communaux, est un jour férié, chômé et payé. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à François Kimana qui assure la mise en onde, à toute l'équipe de la rédaction Isanganiro aujourd'hui. Merci pour sa collaboration, pour sa réalisation. Un très bon après-midi à tous. Au revoir.